18h, 19h, Convergence. Culture et musique électro-underground. Et bienvenue sur Convergence 89.5 FM, culture et musique électronique et underground. On se retrouve pour une nouvelle émission autour de la table. Kevin Alexandre, salut Kev. Hello, hello, toujours un plaisir d'être là. Picsou à les manettes, comme d'hab. Bonjour à tous. Et voilà notre invité du jour, Nicolas, aka Nikial, salut. Salut, salut, merci pour votre invitation ce soir, je suis heureux d'être avec vous. Eh ben écoute, nous aussi mon gars, ça fait plaisir de pouvoir continuer à se voir malgré toutes ces merdes, hein, comme on dit. C'est ça, et c'est puis, ça, avec un bip. Ah oui, oui, bon, on censurera ça pour les enfants, bien évidemment. Donc du coup, aujourd'hui, voilà, on se retrouve pour parler un petit peu de ton projet, savoir qu'est-ce que tu fais dans la vie, donc, visiblement la musique, parce qu'on est, là pour parler de ça, excusez-moi. Et donc du coup, on va commencer avec une première question très travaillée. Est-ce que tu peux te présenter? Alors, on a vraiment tapé toute la nuit. Ouais, je pense que je vais pouvoir y arriver. Alors, je vais vous dire mon nom, même si on se moque un peu, c'est Nicolas Bresson, mais c'est surtout Nikal qui est mon surnom, mon nom d'artiste. Pour me présenter, je suis un de musique, hein, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai grandi avec ça, évolué dans la musique électronique depuis quelques années. J'ai pris le goût pour le mix depuis déjà quelques années, parce que j'ai commencé au lycée. Ouais, et voulu aller plus loin, passer cette barre du mix des copains en soirée. Tu fais l'anniversaire, Et le mec, coup d'invité, parce qu'il a un contrôleur et puis un minimum de sono. Qui t'ont invité au mariage. Non, mais je veux dire que j'ai fait un mariage pour un de mes potes il n'y a pas longtemps, c'était le tout premier. Mm-hmm. Et j'étais fier parce que c'était un mariage qu'on est sur la techno. J'ai mixé de la grosse technomatie vers un mariage et finir sur de la trance. Je pense que tu fais quelques envieux. C'est la première fois que j'entends ça. Et du coup, voilà, ça fait quelques années que je me force à me professionnaliser, à vouloir mixer devant un public, parce que c'est ça qui me fait vraiment vibrer au final. Ouais, l'échange. C'est ce que je préfère. Vraiment, genre, j'adore mixer, je mixe beaucoup, j'ai des vinyles chez moi, je suis un passionné de musique, je les collectionne. Après, ce qui me fait le plus plaisir, c'est de partager mes découvertes, partager le temps que je passe à diguer ces sons, à les ouvrir, et plus j'ai un public qui va être ouvert et réceptif, plus je vais prendre de plaisir et lui donner face à ça. Voilà. D'accord. Et du coup, au niveau de la musique que tu fais, c'est-à-dire que tu catégorises dans quel style? Ouais, j'ai du mal à me catégoriser, même si du coup c'est une problématique pour moi, mais non, c'est bien. On va dire que c'est de la musique électronique où j'ai un style très varié. D'accord. Et après j'ai une partie quand même un peu plus techno, et tu vois sur mon SoundCloud du coup j'ai vraiment une partie qui est dédiée à la techno, ouais. Où j'essaye d'avoir un pas un nom de scène, ouais. Mais de catégoriser du coup mes podcasts, ouais, sur la techno dans un autre nom de ce que je, d'accord, peux faire en temps normal. Ouais. Donc, histoire de dissocier les images, que si un gars vient te voir, il s'attend pas à avoir quelque chose avec la musique d'entendre. Ouais. Et comme ça, s'il vient te voir avec ton nom d'artiste techno, voilà, il sait à quoi s'attendre aussi derrière. Et voilà, c'est quelque chose qui va être très varié. J'aime la musique électronique dans son global, comme les musiques, que ce soit l'Europe, le jazz, le classique. Ouais. Tu vois, je peux avoir beaucoup d'influence. Une musique électronique qui va être plus brésilienne, plus africaine, je vais adorer, comme très vénère, très dark. Ouais. Après, je pense que la musique, elle a un moment, elle a un lieu, et elle a un public à accepter. Ça, donc, du coup, il faut savoir s'adapter par rapport à ça, et je peux avoir un public à faire. Okay. C'est le truc qui ne pas me déplaît, c'est juste pas ma tasse de thé, on va dire. C'est du très commercial. Mmh. J'ai un peu de mal et je trouve pas du plaisir là-dedans, donc je ne veux pas en fait le faire en public. Ouais. Okay. Et sinon, ça peut être très très très large. D'accord. Mais super. Voilà. Donc du coup, tu participes à des projets associatifs autrement que comment dire ton épanouissement, ouais, personnel. Ouais. Donc je peux parler de deux assos. La première, celle qui me tient un peu à cœur depuis quelques années, c'est le Château Perché. C'est Perché Police qui est organisateur du festival Château Perché, où je travaille un petit peu avec leurs gars et j'aime donner de mon temps dans cet asso. C'est un asso qui me tient à cœur parce qu'elle fait des choses très variées, ouais. Donc qui me correspond, qui a un côté artistique très ouvert. Ouais, pas au chou. Voilà, ouais. Qui est dingue. Et je suis content de donner de mon temps dans cet asso. C'est quoi ton meilleur souvenir de Perché Police, par exemple? Ouais. C'est vrai que c'est quand même une belle rigueur, quoi. Peut-être pas qu'un. Ouais, mais je sais exactement parce que j'y ai repensé. On en a parlé avec un pote il y a pas longtemps. Et c'est l'an dernier, du coup, quand c'était en même temps une très bonne année comme une très mauvaise parce qu'il y a eu les événements climatiques, il y a eu plein de problèmes. J'étais là. Et tu vois, le dimanche à midi, un petit peu plus tôt, sur la scène de Gouza, le collectif allemand, une scène avec l'énorme son système. C'était génial. Ouais, c'était du home. C'était... Ouais. Ils ont sur la plaisir de Pierrot derrière le micro. C'était du home. À ce moment-là, on avait eu de la pluie pendant plus de 12 heures. Et ils ont passé Fear from Desire. Et il y a une espèce de vibe qui a envahi la foule. Ah, et toute génial. La foule s'est retournée alors qu'on était tous trempés, genre. Tu vois, on pourrait avoir un public qui en a marre, genre, qui est dans sa tente et c'est chiant la pluie, mais non, genre, c'est pas grave, la pluie, genre, on l'accepte et du coup, on crée cette vibe. Genre, cette musique a amené un élan vers les gens, à les relancer. Ouais. Alors que c'était plus le même tempo, ils ont balancé ça et genre, c'était folie. Et genre, un moment qui m'a fait vibrer à me dire, ouais, genre, j'ai souffert en tant que dans l'orga pendant 3 jours. À tout faire pour que ça aille mieux et en fait du coup là tu fais voir c'est le remerciement et quand tu vois cette foule là et c'est vraiment ce qui est beau aussi dans le travail de DJ, c'est vraiment aussi pouvoir choisir des moments où on pense que ça va être la même chose depuis le début ou alors, qu'on je tiens à dire quoi, que j'étais pas le DJ à ce moment-là. Oui bien sûr. Je tiens à dire qu'on avait compris. Je t'aurais pas dit Allemands. Non, on a compris c'était les Allemands. Du coup ouais c'était un moment ouf et c'est voilà, j'apprécie. Et en deuxième projet qui est plus un teaser qu'autre chose parce que c'est pas forcément sur les opérations mais c'est l'asso Trade Union qui a fermé quelques temps va renaître de ses cendres avec une nouvelle équipe avec des personnes totalement nouvelles dont je vais faire partie parce que j'étais pas dans Trade Union. Mais on est complètement chaud, ça va être le nom, ça va être Ensemble avec un grand S. D'accord. Un nom très percutant parce que on a envie de s'ouvrir sur plein de choses. On n'a pas envie de faire forcément des petits events qui va être dans le bar. On crache pas du tout là-dessus, mais on a envie d'aller un peu plus loin. Beaucoup de personnes proposent ça, même vous en le faisant très bien. Donc, du coup, on a envie de s'ouvrir sur peut-être un peu plus, voir une autre facette. Et voilà, on a plein de projets pour le moment, je peux sûrement pas trop en parler. Il y aura une soirée de lancement au Boomerang dans quelques mois. D'accord. Et sur les réseaux, on va bientôt annoncer ça. Et voilà. Je pense que de toute façon, on sera au courant avec la phase de Trade Union en général. C'est, ça. C'est vrai que ensemble, du coup, on va dire. Et écoute, c'est un très beau nouveau projet. Voilà, en tout cas, ravi de l'apprendre que Trade Union impatient. On compte ouvrir ce côté artistique de manière très large, on est très motivés entre nous avec des compétences ouf dans l'équipe. Et du coup, on récupère déjà des projets existants que vous pouvez avoir facilement avec des CAM, quoi. D'accord. Comme des projets totalement perso qu'on va faire. Et, voilà. Et c'est-à-dire que... J'en dis pas plus. Pas non mais ne nous spoil pas, t'inquiète. C'est-à-dire que, en fait, par rapport à l'association Château Perché, comme par rapport à Fusion Ensemble, il y a quand même une touche artistique qui est bien mise en avant. Est-ce que, du coup, c'est quelque chose que tu practices? Enfin, que tu, pardon, practice. Je parle en anglais. C'est ce qui est Alexandre. Mais est-ce que c'est quelque chose aussi que tu pratiques en dehors de la musique, ou est-ce que c'est juste quelque chose qui t'intéresse beaucoup et qui fait partie de un monde dans lequel aussi c'est partie des événements de... Je pense qu'il y a un petit peu des deux parce que tu vois dans ma vie professionnelle, je suis chef de projet. Et du D'accord. coup, ça me fait trop plaisir de mettre ces compétences-là en fait dans ma passion, qui est la musique, et en fait donc du coup travailler dans des assos. Et faire perdurer des projets qui peuvent être complètement fous. Et du coup, j'ai ce côté très DJ, mix, qui m'attire énormément, mais j'ai aussi ce côté arrière de l'organisation qui me fait me donne un plaisir fou. Et je travaille dans plein d'assos, je suis investi dans plein d'assos, et plus je peux les aider, genre, ça me fait plaisir de lancer ces projets, quoi. On a besoin de ça. Et... D'accord. Surtout dans ces moments-là, on a besoin de lancer, de soutenir la culture, de surtout donner de notre temps. Ouais, surtout c'est en ce moment. Et c'est pas parce qu'on est en période compliquée qu'il faut lâcher, se dire, ouais, c'est pas possible. C'est justement maintenant qu'il faut montrer que c'est possible et qu'il faut continuer à se battre. Exactement, pour montrer et inventer. On ne baisse pas les bras, quoi. Faire peut-être autre chose de nos soirées. Peut-être que, ok, c'est plus possible d'avoir des soirées où on va avoir 3000 personnes sur un one shot dans un petit lieu. Mais faut se réinventer et voir comment va être la fête de demain, en fait. Ouais. Et je trouve aussi dans un certain sens que, bon, souvent, c'est vrai que quand les gens leur parlent de faire la fête, ils vont tout de suite imaginer le gros festival, les missionnaires, des choses comme ça. Mais je pense qu'en tout cas, dans une grande ville comme la ville de Lyon, comme la ville de Paris ou autre, je trouve qu'au niveau des... Par exemple, par rapport au Château Chépère qui vient aussi de Berne, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Mais je trouve que, justement, ça a toujours été des événements où les gens essayaient vraiment de sortir des choses intéressantes au niveau, comme par exemple, On Air qui s'était passé, essayer de mettre en avant certains acteurs qui n'ont pas forcément l'exposition qu'on a. Ce qui est intéressant dans l'art, peut-être plus difficile de se mettre en avant et de faire un événement et de faire une galerie que au niveau des DJ de pouvoir passer dans un bar et une boîte. C'est sûr. Après, c'est vrai que les lieux ont des problèmes financiers, quoi. On ne peut pas accueillir avec des faibles capacités. C'est ça. Bah, voilà, ils ont des charges à. Il faut que ça soit rentable. Donc, il faut qu'il y ait quand même une rentabilité. Il faut pas avoir peur de dire que la culture, c'est génial, c'est notre passion, mais à un moment, genre. Faut que les gens derrière puissent vivre, il y a plein de prestataires, les lieux ont des charges complètement folles, et que si c'est pas rentable, en fait c'est compliqué pour eux. Donc je suis pas dans ce cas-là, donc je suis plus à les soutenir et à apporter soutien vers eux, mais je pense que c'est des périodes difficiles qui sont passées. On doit éviter d'y passer. Ouais, et il faut soutenir, et puis il faut soutenir notre scène locale aussi, je pense qu'il faut se réinventer aussi au niveau des soirées. Peut-être. À penser, c'est vrai qu'on peut plus inviter n'importe quel DJ à l'autre bout du monde facilement pour une soirée. C'est pas plus mal. C'est peut-être un bien pour un mal. Sur Technopolis, Arte Radio, ils en parlent un petit peu de cette chose-là. Et j'ai trouvé ça très intéressant, leur dialogue. Est-ce qu'il faut pas réinventer notre scène locale, arrêter de... On n'est pas trop malheureux en plus là-dessus en France, quoi. Ouais, en Europe, au maximum aussi, si on va plus grand, il y a pas mal de trucs. Et c'est vrai que, au jour, c'est vrai qu'on a quand même des outils qui nous permettent aujourd'hui de pouvoir transmettre des choses, que ce soit dans une période de Covid ou pas de Covid. Je veux dire, le fait de pouvoir avoir Internet, d'avoir de la vidéo, d'avoir de l'audio, d'avoir de la radio, des centaines, ça permet aussi de pouvoir bien inventer certaines choses. Complètement, même si j'ai un peu de mal, alors c'était génial de streamer pour un Covid, pour moi-même je l'ai beaucoup fait, mais c'est vrai que moi-même j'ai regardé aussi énormément de streams, mais c'est vrai qu'il manque cette vibe du public. Mais d'un côté tu découvres des gens, tu découvres des univers musicaux, tu découvres l'intérieur de chez les gens, et je trouve que ça fait avancer un peu aussi quelque chose, c'est un peu une aussi. Forme des nouvelles choses qui vont arriver pour les événements, les événements en ligne, etc. Malheureusement, après, on arrive sur la fin de l'émission. Moi, je trouve qu'on avait un super sujet, mais faut quand même laisser la place à la musique. Non, je suis pas d'accord. T'es pas d'accord? Bon, alors, c'est tout. On départ de Kevin Alexandre, du plateau. C'est parti, alors, c'est le One Man Show. Voilà, du coup, ce n'est plus une émission de musique pendant 45 minutes en One Man Show, comme il dit. Kevin Alexandre pour vous. Bien donc, on est désolé de t'avoir fait venir pour rien. voilà, c'était quand même un plaisir et je vous remercie encore une fois. Est-ce qu'il y aurait des petits réseaux sur lesquels on pourrait se retrouver, un petit message que tu pourrais faire passer juste avant qu'on démarre ces 45 minutes de mix? Alors, on peut me suivre, que ça soit sur ma page Facebook au nom de Nical ou sur mon Insta Nical _B. Parce que le Nical est déjà pris par une personne qui a 3 abonnés, donc si quelqu'un de le contacter, mais impossible. Voilà, vous pouvez me suivre sur mon Insta ou mon Facebook, ou même sur mon SoundCloud aussi, Nical, tout simplement. Bah, écoute, ou suivre mes séries de podcasts ou mes projets. Voilà, génial. Merci beaucoup. Je vous remercie. On va se retrouver tout à l'heure pour l'agenda et pour le portrait chinois quand même, parce qu'il ne faut pas l'oublier. Du coup, on pourra toujours te retrouver. Malheureusement, Peggy ne sera pas là. Non. Mais on va l'assurer comme une seconde. On va l'assurer. On va essayer de suivre sa ligne artistique sur ce mot, cette petite chronique. Donc, on se rejoint dans quelques minutes. On fait place un peu à la musique et puis à tout à l'heure. circolo nella sua tana, cercò di raggiungerlo sul fondo. L'indio riuscì ad aggrapparsi con tutte le sue forze al ciglio della voragine e si era aperta sotto di lui. Così rimase a dondolare nel vuoto, paralizzato dalla paura. Ai suoi occhi meravigliati si presentò uno spettacolo di indescrivibile bellezza, uno sconfinato arcobaleno fatto di tante strutture di verde, di cui non si riusciva a vedere né l'inizio né la fine. Think of it, after all those years of waiting. I'm overwhelmed. I thought, thinking about it before it happened, it would be something like a trip to the moon. But it isn't like a trip to the moon for me. The moon is a rather familiar object to me. This was like landing on a new planet, one that I never heard of, completely unknown. The landscape is all different from anything I've ever seen before. I don't know what it means, but it's there, and it has to be explored. Et on se retrouve pour la suite de cette émission avec le portrait chinois avec Elliot et notre PA pour remplacer notre cher PI dans la rubrique portrait chinois. Ça fait beaucoup de prénoms, ok, d'accord. Salut à tous. Alors, si tu étais un fruit, tu serais lequel? Ouais, c'est compliqué comme ça, je dirais... C'est du tac au tac, hein. Ouais, une pomme. Yes. Ouais, c'est compliqué, c'est cool, c'est deux. Quel morceau t'aurais aimé produire? Ah, ah, ah, peut-être que je réfléchisse un peu, mais... T'es plus ça. Ouais. Tu vois, c'est un morceau quand même qui est vachement appréciable parce qu'il a marqué les générations. Genre, il a ce truc qui revient genre tout le temps. Ouais, et ça. Qui est populaire sans trop l'être. Donc, c'est quand même une bonne, un bon track que j'apprécie. Ou, si je devrais dire un que j'adore du fond du cœur, c'est celui de Denon, You Are My High. Non, ça, c'est ouais, peut-être mon ouais. cœur. Bien, bien, bien. Il fait vibrer à fond. Il sait. Blonde ou brune? Brune. Parle pas de bière. Pour les deux, je dirais. D'où vient ton surnom? C'est extrêmement con. C'est toujours. C'est, tu dis un cheval, des chevaux. Et tu dis un Michael, dis. En fait, c'est le contraire. Tu vois, c'est pas con du tout. Ton péché mignon. Bah, franchement, un kebab en sortie club. Mon Berliner, dédicace à maman. Un kebab sauce algérienne. Ah, c'est la tomate oignon, chef? Bien sûr. Plutôt gauche ou droite? En vrai, je dirais au milieu pour faire référence à mon asso qui s'appelle Ensemble. Okay. Il a travaillé les questions. Il a fait des bâtis. On lui a pas fait facile. C'est trop facile. Le morceau qui t'a influencé dans ton style? Ah, c'est pareil, c'est compliqué comme ça, en deux secondes, il faudrait que je réfléchisse un peu, mais... Premier qui vient à l'esprit. Je pense que plus des artistes qui m'ont marqué, ou des artistes qui m'ont influencé plutôt mes idées, ben, Malgrave. C'est un artiste que j'adore, qui est influencé par énormément de styles, et qui produit des choses très variées, avec son autre nom aussi... Donc ça m'influence beaucoup dans mes sets. C'est qu'actuellement il a remis son vrai prénom et son vrai nom, c'est Alexander. C'est sur ouais, mais ça c'est sur sa partie. D'accord. Okay. C'est la mèche carapuce ou plus bizarre. Grosse question. Ah mais ça j'ai dit en plus par défaut parce que moi j'étais on va dire que j'étais le mec qui jouait Pokémon à moitié au hasard, donc mais je prenais toujours ça la mèche. Ça la mèche. Mais j'ai pas été un fan, mais genre j'ai toujours son excellent mèche par contre pour les autres. J'ai pas d'explication, c'est celui de cœur. Ouais, c'est ça. Si t'étais une dent, tu serais laquelle, pardon? On est plus trop d'inspiration. Là c'était le. Quel parrain, genre. Que ça te présente, quelle arrache. Ah ouais. Yes. Et la dernière, Margot Robbie ou Emma Watson? Ah, intéressant. Ah, Emma Watson. Parce que, en plus d'être magnifique, elle est influençable, elle influence beaucoup de domaines et elle est porteuse de plein de projets, de plein d'envies de faire avancer un peu dans le cinéma. Du coup, c'est vrai que vous êtes magnifique, je vous respecte énormément pour sa force et son pouvoir. Et en plus. Oui. Oui. Elle n'a pas fait que ça, cher monsieur. D'accord. Ouais, je suis pas forcément pour son côté agréable. Mais bien évidemment. Je suis là pour voler un truc de merde. Du coup, t'as compris que Alexandre, c'était plus sérieux. On voit pas ma tête, c'est bon. On t'entend quand même. Merde, alors. Bon, bah, on clôture du coup ce joli portrait chinois. Merci les gars pour ces petites questions. Merci. Merci à Nickel. Pour cette jolie interview et puis ce doux set également a été très très sympathique et du coup on se retrouve encore en fin d'émission pour l'agenda de notre très cher Pierrot. Et puis d'ici là, on n'aura peut-être pas l'occasion de se recroiser. Donc du coup, passez une bonne semaine, restez connectés. Un bon week-end aussi. Voilà, profitez bien de ces derniers instants de musique sur Convergence 89.5. Et nous allons revenir la semaine prochaine, donc avec une grande impatience. Exactement. À la semaine prochaine, salut, salut. Salut, salut. Such a sweet ability to be incoherent, such a bitter gift of being alive. Dance is the only real translation of painting. Put your feet on the canvas, print your way through the night. Death forgave us for being alive, because at least we counted the steps. Mom never wanted Dad to be worried. Fear is the only real translation of death. I stepped on the rock called Earth last night. A little bird called Techno landed on my head. Pain is the only real translation of dancing. Put your feet on the canvas and dance your way through the day. Y a mí me gustan mucho las vacaciones. Me gusta la playa. Cerveza, tinto de verano, tapas. No sé. Playa. Es que me aburre. Bonjour, on se retrouve pour l'agenda du week-end. Retrouvez la station FM jusqu'à 21h au Mobotel pour l'hebdomadaire Rooftop Party. Sortez vos câbles de pluie, le temps ne sera pas clément. Jusqu'à minuit, le Block Party, l'après-midi cool et le Secours Populaire s'associent pour concocter des DJ sets, street food, exposition, street art. Au programme, drill UK et hip-hop. Optez pour le Disco Saturday, au Platagne, de 19h à 23h. Les disques vont bien s'enchaîner, comme les pintes de bière. Les teams de Destination et Imagine seront au Loupica jusqu'à 22h. Avec la pluie prévue, venez vous mettre au chaud dans la cale de cette péniche. En espérant que la semaine prochaine soit plus garnie en événements, je vous souhaite un bon week-end. À la semaine prochaine sur Convergence. We'll be right back. 18h-19h, Convergence. Culture et musique électro-underground.